regardez qui mérite bien une chanson. Ça va jaser, infectiver, ma foi, tant pis. Je n'y mettrai pas de façon. Ils sont si nobles que j'en suis subjugué. Excusez-moi si j'en bafouille. Le seul moyen de connaître leurs belles pensées, c'est d'en céphalographier leurs couilles. Quant à l'amour, que Dieu me pardonne, je pouvais pas passer à côté. Ça rend aveugle et plus si affinité. Autant pisser dans un trombone. La belle voix dormant ne peut se réveiller, gazée qu'elle est par le chichon. Petit boulot, petite bagnole, petites idées, et une araignée au plafond. Bon messieurs, dames, je dois maintenant vous laisser. Faut que je m'occupe de mes volailles. Je sais, c'est dur, elle a le cerveau d'un poulet. C'est tout l'objet de ma bataille. Et quant à vous, je vous laisse froidement tomber. Sur vous, je tire la chasse d'eau. Je parle de ceux qui m'ont vraiment fait chier. Ceux qui se noient dans un verre d'eau. Chante, Vincent.